distance d'arrêt peut varier en fonction de la météo? Oui, réponse A. Non, réponse B. De la vigilance du conducteur? Oui, réponse C. Non, réponse D.